assez rapide. Absolument suivre le rythme infernal machine. Soyez plus précis. Vous voulez avoir des ennuis, désapprenez la vie. Ce modèle-là. De nouveaux objectifs. Être toujours plus réactif. Infernale machine. Bilan et perspective. Et tant pis si parfois on brise des consciences trop fragiles. Mon monde à moi est loin de tout ça. Mon monde à moi, il respirera. Il respirera. Time.